J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans cette 36e émission de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du... De Star Wars. Non, pas de Star Wars. Tiens, bien fait. Pas uniquement, non, j'ai même pas de Star Wars dans mes news, donc pas de Star Wars. Je me casse alors. Des comics, on va vous parler aujourd'hui de Stranger in Paradise, le titre de Terry Moore qui est ressorti la semaine dernière en intégrale. Je sais plus, je crois que c'était chez Glénat. Ouais, c'est chez Glénat, ouais. Mais avant ça, je dis bonjour à mon équipe, vous l'avez entendu, il est à côté de moi, c'est Mathieu. Ça va Mathieu ? Ouais, salut, salut à tous. En face de moi, comme d'habitude, il y a Johnny. Salut Johnny. Yo. Et il y a deux petits nouveaux que vous avez déjà entendus deux fois maintenant. C'est, Bertrand, c'est ta deuxième. Non, ta troisième. Ma troisième, c'est ça. Ouais, et la deuxième à la radio. Ça va Bertrand ? Impec. Et rapproche un peu plus ton micro. Vous avez à côté, vous l'avez déjà entendu, c'est Romain de Jojo Comics qui rejoint l'émission pour cette deuxième émission. Ça va Romain ? Ouais, ça va. Première radio ? Première radio. Ah, ça doit être un peu stressant et un peu inquiétant, mais ce n'est pas grave, tout va bien se passer. On va passer de suite aux news. Avec cette fois-ci un mix de jingle, mais c'est génial quand même. Donc on va passer à la première news que j'ai nommée « Le Caïd ne règne pas sur les ventes » puisque le personnage qu'on avait vu apparaître dans le jeu vidéo Spider-Man, donc la série « Le Caïd » ou « Kingpin » qui arrive au 5e numéro en VO, finalement ne fait pas assez de ventes malgré des critiques assez bonnes. C'était une série écrite par Matthew Rosenberg et dessinée par Ben Torres, donc elle avait des bonnes critiques. Mais finalement elle ne fait pas assez de ventes, donc ils ont décidé d'arrêter les frais. Et voilà, c'est un peu l'histoire de la vie des séries un peu indie chez Marvel. Dès qu'on prend un peu des risques avec des personnages, ils tentent beaucoup de choses et puis ouais, ils ont un seuil et dès que ça passe pas le seuil, ils se foutent un petit peu de la qualité. Je sais pas s'ils ont vraiment fini au moins, parce que des fois ils laissent au moins un numéro, tu finis tes histoires. Bah, au bout du 5e numéro. 5e, ouais, ça fait l'être quand même, ils auraient pu attendre. Ouais. Genre ils finissent avec un grand coup de hache, hop, on en parle plus, on tue tout le monde et puis ils repartent. Des fois ça passe, Gwenpool ça a marché, on sait pas pourquoi. Et là, parce que moi je comprends pas les fans autour de ouais, Spider-Gwen et de Gwenpool. Enfin, bon. Ouais, j'ai jamais lu, on peut pas tenir. Mais... Ouais, j'ai lu Spider-Gwen, c'était sympa. C'est dommage, Gwenpool, c'est pour lire, quoi, pour voir ce que c'est, mais ah ouais, c'est pas à réitérer. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'achats de curiosité. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Est-ce que vous avez un avis autour de... les noms Matthew Rosenberg et Ben Torres, ça vous dit quelque chose ? Moi, pas du tout. Ouais, après, c'est dommage, ils avaient tenté un truc sympa, ils avaient fait une série aussi, Elektra et Bullseye, si je me rappelle bien, un peu dans le même univers, une espèce de... Ils avaient tenté de développer comme ça l'univers de Daredevil, mais... Ouais, ah oui, avec l'univers de la série, un peu... Ouais, ils avaient voulu faire un bon, ça a pas marché, tant pis. Bah, tant pis, ouais. Ben, on va passer à une autre news qui va peut-être faire un peu plus parler. Alors c'est une news, elle a une petite histoire cette news, parce que hier soir j'ai écrit ma news comme il faut au dernier moment, c'est ça? Oui, comme tout le temps, c'est toujours des dernières. Je trouve que comme ça au moins les news elles sont fraîches. Et là. Alors c'est autour de, c'est ce que j'ai appelé moi, peut-on faire une croix sur un Tom Hardy versus Tom Holland? Donc c'est par rapport au film Venom de chez Sony, et un peu la grande question autour de ce film, c'est est-ce que ça va être lié à l'univers de Marvel Studios et au moins à Spider-Man de Marvel Studios, donc au petit Tom Holland. Et Kevin Feige avait répondu dans une interview la semaine dernière en disant que non, pas du tout, que eux ils avaient eu leur droit pour sa trilogie de films et en plus le faire apparaître dans les Avengers, mais qu'il était pas du tout, enfin il bossait pas du tout sur les films de Sony. Donc a priori, comme si on te dit comme ça, en lisant entre les lignes, tu te dis, voilà, Venom va être de son côté. Mais ce matin, en allumant mon ordinateur, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu une interview de la très chère dans nos cœurs, Amy Pascal, donc grande productrice de chez Sony, qui faisait une interview avec Kevin Feige. Donc les deux, comme elle est productrice de Spider-Man Homecoming, elle fait des interviews avec Kevin Feige. Et l'intervieweur lui disait, mais alors, est-ce que Venom va être dans l'univers de Marvel ? enfin de Spider-Man de Marvel Studios. Et la meuf disait oui bien sûr, ce sera dans le même univers, vous les croiserez pas tout de suite, mais on les verra, on le verra sûrement au Tom Holland apparaître un de ces jours. Et la tête de Kevin Feige qui se décompose au fur et à mesure que Amy Pascal raconte des trucs en disant mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, mais pourquoi elle dit ça, on dirait trop que qu'il est là mais voilà, on a rien signé, qu'est-ce que tu fais? Donc je sais pas trop, ça souffle un peu le chaud et le froid. Moi, de me dire que bah, finalement, quand même, Venom serait dans l'univers de Spider-Man, c'est quand même un peu plus... ça me met un peu plus de hype autour du film, non pas du tout? Non, absolument pas. Parce que ça suffit quand même. Non, ça suffit pas de mettre le personnage. Si tu l'introduis pas correctement, c'est l'équivalent de Doomsday dans Batman v Superman. Tu ramènes. Oui, on a pas vu le film encore. Donc, oui, non, mais je veux dire, Tu ramènes Venom avant qu'il ait rencontré Spider-Man, non. Non. On te l'a déjà dit plusieurs fois, ils font n'importe quoi, Sony. Oui, mais j'ai pas. C'est-à-dire que, comme t'as dit, on l'a pas encore vu, donc si ça se trouve, ça pourrait être bien. Moi, ce que je dis, c'est que là, tel que c'est parti, le simple fait d'avoir Venom dans l'univers, s'il est mal introduit, ça sert à rien. Effectivement. Bah, ça sent le gros coup de bluff de Machinette Sony. Ouais, mais Pascal qui. Ouais, qui a voulu se la ramener un peu, et puis bon. Il aura peut-être droit à son origine après, on verra. Bon, en gros, ils vont attendre. Parce que si c'est pour revoir encore une énième origin story. Ouais, après, si le film Venom cartonne, Feige dira oui, mais depuis le début, on avait un contrat, blablabla, millions, blabla, dollars, blabla. Ouais, ce serait très très probable. Ouais. Est-ce que vous avez un avis autour de la Tabertrand? Est-ce que ça te... Moi, je suis un peu paumé avec l'histoire de droit, parce que pour moi, j'aimerais bien avoir tous les super-héros dans la même équipe, ouais, mais vraiment, ouais, mais c'est non, compliqué. Ça ne peut pas marcher. Mais ça, c'est parce que Marvel a failli partir dans les années 90, avant les films de Rémy. Ils étaient à deux doigts de la banqueroute, et c'est ça qui les a fait... c'est le fait de vendre leur licence qui leur a permis d'avoir remettre un peu la tête hors de l'eau. Et maintenant, ouais, c'est maintenant, ils galèrent. Ouais. Donc voilà, on va passer à un autre sujet. Et c'est un truc assez... moi, ça me fait plaisir, parce que c'est Wonder Woman qui rentre dans ses frais, et même un peu plus, puisque le film de Patty Jenkins a fait la semaine dernière, elle a dépassé la barre des 500 millions au box-office. On n'est pas encore au-delà des 873 millions de Batman v Superman, mais peut-être qu'elle pourra dépasser L'Homme d'Acier avec ses 668 millions au box-office. Sachant que ça fait quoi, deux semaines qu'elle est sortie aux États-Unis, ça fait un peu plus, je crois. Ça fait peut-être un mois et des poussières. Pas beaucoup plus, je crois, non, ouais, il y a pas, une petite semaine. Une petite semaine, ouais, de décalage. Donc, c'est cool quand même. Tu l'as sorti, ta News Warner, hein, c'est plus fort que toi. Ouais, ouais. Oui, il fait du pognon. J'en ai parlé pendant deux heures hier, enfin la semaine dernière, et là j'en reparle un peu. Non, c'est bien, c'est le meilleur film qu'ils aient fait, Warner, donc. J'irai pas jusqu'à dire ça, mais oui, c'est plus. Bon, d'accord, c'est le moins pire, moins bon pire, c'est ça que tu voulais dire? Non, moi je préfère BBS quand même. Ah, d'accord, ouais. Bon, voilà. Note suivante. Non, personne. Si j'ai une question, est-ce que t'as les chiffres de Suicide Squad juste pour voir? Est-ce non, que c'est vraiment un gage de qualité? Dès que je vois Suicide Squad, j'ai un. Suicide Squad, c'est 770. Il a quand même bien marché, puisque dans l'univers Rebirth, Suicide Squad Rebirth, ils ont repris toute l'équipe du film. Oui, c'est vrai. Donc ouais, il a bien marché en fait. Mais je crois qu'il a vachement bien marché en Asie, tout ça. Ouais, l'international. À l'international, ça l'a vraiment. Ils ont pas dû le traduire alors, ils ont eu des problèmes. Ouais, peut-être. Ils ont rien compris. Moi, je trouve ça cool. Le film est sympa, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Un Juni. Juni l'a pas vu. Moi, je l'ai pas vu, il m'intéresse pas particulièrement, donc bon. Mais moi, je sais que tu vas pas l'aimer, de toute façon, donc. Ça t'en sais rien. Si, je connais un peu tes goûts maintenant, et au bout d'une dizaine d'émissions. Please. Et je pense qu'il y a des trucs qui vont te faire tilter. Que, voilà. On va passer à une autre news. Et c'est des Avengers préhistoriques dans Marvel Legacy 1. Oui, parce que le prochain relaunch de l'univers Marvel, donc Legacy, qui va arriver après Secret Empire, et après Génération, et après du coup Legacy. Ça y est, on est perdu. Ouais, il y a beaucoup trop de. Donc c'est le prochain. Je suis perdu dans les... qui va revenir après Génération. La maison des idées a dit qu'ils allaient revenir sur l'origine des Avengers, mais vraiment l'origine, hein. Ils vont vraiment aller très loin dans l'origine, puisqu'ils vont faire une équipe d'Avengers qui apparaîtra 1 million d'années avant Jésus-Christ. Donc voilà, ça va être une série écrite par Jason Aaron et Ezra Bridick. Oh merde, ça va être bien alors du coup. Ouais. Et ce sera malheureusement, peut-être que vous y pensiez comme moi, ce sera pas une équipe de super-héros de dinosaures. Ce sera avec des personnages qu'on connaît bien, puisqu'elle sera composée de Odin, Iron Fist, Starbrand, Ghost Rider, Phoenix, Agamotto et Black Panther. C'est un truc qui se lègue, le Black Panther, non? Ah oui, peut-être, du coup, c'est pas con. Ouais. route, tiens. Effectivement. Donc dit, tout ça devrait arriver en septembre. C'est quand même vachement loin. Je suis ça fait beaucoup. Je suis pas sûr que ce soit très. Bon, c'est pas grave. Les 4 Fantastiques, ils y sont sûrement déjà allés. Hein. Ils aiment bien ce genre de. C'est une question de cohérence par rapport à la date du premier Black Panther, mais c'est des détails. Quoi et quoi? Non mais en plus c'est apparemment ça va pas être juste une petite série comme ça, ça va vraiment fonder tout un nouveau truc donc dans ce legacy et ça va être tout le nouveau Marvel Universe va être posé sur ce truc donc mais il me semble que Aaron avait testé le truc dans un Thor ou un truc comme ça où tu voyais l'espace d'une page, tu voyais des concepts de fou, genre un Ghost Rider préhistorique, genre mais un Ghost Rider, qu'est-ce qui ride le Ghost Rider préhistorique? Je me souviens plus ce que c'était. Putain, faut que je retrouve le truc. Il avait toasté rapidos le concept d'avoir des comme ça du trivia Iron Fist, du Doctor Strange du futur, un truc comme ça. Ils font des trucs comme ça dans Civil Wars 2. À un moment, ils te font plein de pages de Flash où t'as dans le futur, dans 10 ans, dans 30 ans. Ils aiment bien ce genre de truc. Ouais, du coup, il a dû peut-être tester son truc. Bon, Aaron. Moi, c'est Jason Aaron et Zabredi qui me hype un peu. L'équipe créative a l'air cool, donc pourquoi pas. Peut-être que je vais me remettre à Marvel avec ça. C'est un équivalent comme ils avaient fait de 1866, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, le truc de. C'est pas Neil Gaiman qui avait écrit ça? Ouais, c'était 1802, je m'en rappelle. Ouais, un peu comme ça, ouais. 19e siècle. Ouais, donc peut-être. Il y avait des bateaux. Ouais. Donc on va passer à une autre news parce que ça n'a pas l'air de vous hyper tant que ça. Donc c'est DC qui mise vraiment sur son Batman Metal puisqu'ils ont annoncé que l'event de Scott Snyder et Greg Capullo, la meilleure équipe créative du monde, je ne le dirai jamais assez, va sortir 7 one shot qui accompagnera le titre du coup avec la lancée de la ligne Dark Matter et ça va être l'occasion de voir la Gotham Resistance qui sera composée de Damian Wayne, Batgirl, Nightwing, Green Arrow, Black Canary, Harley Quinn et Killer Croc qui vont devoir défendre la ville de Gotham face à plein d'envahisseurs qui viennent du Dark Multiverse et ce sera des versions Batmanisées comme ils disent, donc un mélange de Batman et un autre personnage de l'univers d'ici, donc vous aurez Batman et Flash, enfin dans le même personnage, Batman et Cyborg, Batman et Green Lantern, Batman et Aquaman, Batman Wonder Man, Batman 12 Bay et Batman et le Joker, donc voilà. Et en plus les couves, parce que les couves ont fuité et les couves sont assez sympas, je sais plus qui c'est qui les fait, je crois que c'est j'ai oublié le nom, mais c'est un mec que j'aime bien. Donc moi je suis vraiment de plus en plus hypé par bon, en plus que l'équipe créative je trouve l'équipe créative cool, elle me manque sur Batman, elle est super. Ouais, Scott Snyder et Capullo. Voilà, présenté comme ça, ça a l'air tout pourri. Ah, des Batman mixés avec. Non, mais ça a l'air n'importe quoi. En plus, Gotham City, c'est quand même. C'est un gimmick, c'est une ville de merde. Tous les 3 semaines, ils sont attaqués par un machin. De, voilà. Par contre, oui, Scott Snyder, Greg Capullo. Et puis, il le prépare depuis longtemps, cet event. Donc, ouais, on va jeter un œil. Ouais, puis même la lignée d'Arkham Amateur, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air bien ce qu'ils font. Là, pour le coup, le peu que j'avais lu DC Comics, ils veulent tester du nouveau concept. Je crois que t'as pas mal de séries qui ont commencé derrière. On en avait parlé ici. Il y en a quelques-unes qui ont pas l'air mal. Mais voilà, ça. Parce que pendant quelques temps, notamment Marvel, on en a parlé souvent, ils prennent du personnage genre Iron Man, genre Thor, genre oui, les Marvel, Max, les séries, oui. Et puis ils changent les personnages, ils te mettent une musulmane, une latino, un machin, un truc comme, ah, ça. Oui, comme ça. Ça a marché un an ou deux, à part 2-3 cas particuliers, parce que les scénarios sont bons, et puis ça s'est cassé la gueule. Là, pour le coup, DC Comics, ils jouent du classique avec leur Superman, leur Batman, leur Wonder Woman, mais derrière, voilà, ils testent du nouveau concept. Oui, ils avaient déjà testé, Grant Morrison, il avait dans la Batman Family. Oui, Grant Morrison, il a testé tout ce qu'il voulait. Ah oui, il a fait venir des Batman de tous les pays, et on a eu des. Ouais, il y avait la Batman Inc. Batman Inc. Il y avait l'espèce de mec qui faisait du parcours, le Batman qui faisait du parcours, qui était musulman. C'est le français, ouais. Ouais, c'était pas génial. Enfin, non. Moi, je suis pas très fan de Morrison sur Batman. Mais ouais. Mais du coup, pourquoi pas, franchement. Mais moi qui ai reçu. Ouais, donc tu disais, t'as reçu le prélude. Dark Days Forge. Il est magnifique, la couverture brillante et tout est superbe. Ah, t'as pris la métallisée avec la. Ah ouais, avec celle de Jim Lee qui est magnifique. Et l'intérieur aussi, j'ai pas eu le temps de lire. C'est qui l'intérieur? Bah, c'est Lee aussi. C'est Lee, okay. C'est un collectif. Okay. Il y a Reyes, il y a Lee, et il y en a 4. De toute façon, c'est Lee. Hein. Et au mois d'août, il y a Casting qui sort. Là, le premier, c'était Forge. Et au mois d'août, il y a Casting. Moi, je l'ai déjà précommandé. Ok. Et ben, ça a l'air bien badass quand même. Ah ouais. Moi, j'attends de le voir en VF quand même. Mais j'ai vraiment hâte de lire ça. Okay. Et on va finir avec une dernière news. Et c'est la liste des invités du Comic-Con Paris qui devient de plus en plus alléchante, puisque après Tim Sale, Brian Michael Bendis, bon, Michael Bendis, Sean Murphy et Don Rosa, on a appris que le Comic-Con recevrait Jim Chung. Donc Jim Chung, vous connaissez peut-être si vous avez lu Young Avenger Children Crusade, qui était vraiment très très très très beau. Et en plus, si vous aimez bien la série Buffy ou même la série Dexter, il y aura Julie Benz aussi qui va être présente. Donc oui, ça je sais pas qui c'est. C'est merde, la meuf de Dexter, non Dexter. Non. Bon, c'est ouais, bon, c'est pas grave. Bon, c'est Julie Benz. C'est Julie Benz, c'est une blonde. Elle dessine quoi? Non, bah non, elle dessine rien, elle est actrice. Mais Jim Chung, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup Jim Chung. Elle jouait la meuf de Angel. Ouais, elle jouait la meuf de Angel. Ouais, celle qui a engendré elle Angel. Elle ouais. Bien elle. Donc ouais, toujours pas. Pas grave. Regarde Angel, c'est cool. Donc voilà, ça vous dans, ça vous le Comic-Con. Si, c'est bien Jim Chung, c'est un grand mec. Il a bossé sur Avengers, il a fait du cross-gen aussi à un moment donné. Je sais plus comment s'appelait son titre. C'est un truc médiéval, c'était bien, c'était pas mal. Non, c'est un bon, c'est bien. Ça fait, c'est puis ça. Oui, puis il y a du monde, c'est l'auteur cool. En plus. De toute façon, il y a Sean Murphy d'annoncer, donc forcément, j'ai envie d'y aller quoi. Donc voilà, c'est en automne, je crois que c'est en septembre, en octobre. Donc je vous le redirai quand ça se rapprochera un Envoyez peu plus. Envoyez des sous, on fera un voyage spécial. Hein. Ouais, ça oui, ça c'est possible, oui. J'aimerais bien en tout cas. Et on va finir avec les titres de la semaine. Donc malheureusement, cette semaine, il n'y a pas grand chose qui sort. Il n'y a pas grand chose de nouveau surtout. Vous avez deux titres de Judge Dredd, donc deux titres, mais deux titres d'éditeurs différents. Vous avez un titre de Weta Comics où c'est Judge Dredd, Alien, Predator, Extermination. Ça a l'air bien, ça. que des mots-clés, tout un programme. Voilà. Et un titre de chez Reflection, c'est Judge Dredd tome 2, donc je ne sais pas quel relaunch de Judge Dredd, mais si vous avez acheté le premier, bah, le 2 est sorti. Il y a aussi deux titres dont je vous avais parlé la semaine dernière, mais qui ont été repoussés à cette semaine, donc si vous vouliez lire Ninja tome 3 et Eternal Warrior, c'est cette semaine en fait qui sortait, et pas la semaine dernière, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière. Et un autre truc, je pense que c'est les deux, enfin déjà un déjà que j'ai très envie d'acheter, c'est 100 Bullets intégrale tome 3. Donc j'ai les deux premiers tomes et vraiment bah, franchement 100 Bullets vous pouvez y aller les yeux fermés, on a déjà fait une émission dessus donc allez l'écouter. Wow, si enfin, vous c'est chiant fait. Quand même à lire. C'est chiant à lire. Bah les yeux fermés oui. Ah oui c'est vrai. Hein voilà. Avec les mains comme ça tu touches. En braille. En braille oui. Donc pour les gens qui ne savent pas 100 Bullets c'est Brian Azzarello et Eduardo Risso. Ouais voilà donc c'est très beau, c'est très bien. Thriller très très bien construit. Enfin, qui va sur la longueur, mais une fois que tu rentres dedans, tu peux plus t'en tirer. Il y aura combien de tomes? Je crois qu'il y en a 5. Ouais, c'est assez long. Il y avait 10 reliés, donc là, les intégrales elles sont un peu plus grosses. Ouais, elles sont vraiment grosses. Ouais, je crois qu'il y en a 5. Ouais. Et encore du Brian Azzarello, puisque Brian Azzarello présente Hellblazer tome 2. Donc, le fan ça, de Hellblazer, ouais. c'est ouais, ouais, mais préviens quand c'est comme ça que je me remette un peu dans les, alors, désolé. Les archives. De loin, c'était pas forcément le meilleur Hellblazer. Je crois qu'il est en prison. C'est quand même un beau salopard, comme d'habitude. Il me semble que c'est Richard Corben qui dessine. Oui, il y a peut-être Risso déjà, parce que les deux ont bossé ensemble. Ouais. J'ai pas un souvenir exceptionnel de Azzarello de okay. Hellblazer. Garcenis, à la limite, ouais, vachement bien. Mike Carré après, et surtout Peter Milligan à la fin. Donc, dans le lot de tous les trucs, c'est vraiment 100 Bullets que tu conseilles. Ouais, carrément. Est-ce que vous avez. Quelque chose vous hype autour de la table? Non, pas du tout. Déjà trop à lire. Ah, effectivement. Et ben, on va passer à la première pause musicale. Et c'est notre ami Mathieu qui l'a choisi. C'est du Rage Against the Machine. Ah, oui. Et c'est. Merde, c'est quel titre? Know Your Enemy. Ouais, voilà. Et après, on va vous parler de Stranger in Paradise. We'll be right back. C'était Ratem, donc Rage Against the Machine, donc Know Your Enemy, choisi par notre ami Mathieu. Hélas, d'actualité et... encore. Ouais, mais je crois qu'ils sont passés au Hellfest. Il n'y a pas un truc comme ah ça. Ah ouais, les salauds. Je crois qu'ils sont passés au Hellfest. Ils m'ont pas appelé. Ou un des... ah, ils t'ont pas appelé. C'est dommage. Donc, on va vous parler de Stranger in Paradise. Vous êtes toujours sur Comics Discovery et sur Radio Campus Montpellier, le 102.2. Donc, on va vous parler de Stranger in Paradise, de Terry Moore. Et bah, c'est Mathieu qui va commencer. C'est Wham. Alors, Terry Moore, donc auteur américain, indépendant, scénariste et dessinateur. D'ailleurs, le comic c'est en noir et blanc, donc le monsieur. Il le produit, je crois d'ailleurs. Il l'autoproduit tout seul comme un grand, il n'a besoin de personne. Ça a commencé en 1996, ça a gagné un Eisner Awards, donc c'est pas dégueulasse, quoi qu'il arrive. Et la série s'est finie en 2007. Le monsieur a pas forcément fait une énorme carrière en comics, mais a priori, je pense que c'était pas forcément son objectif. Ouais, quoi. C'est quand même pas très mainstream ce qu'il fait. Son plus gros projet dans les deux grands, c'est une série Spider-Man Loves Mary Jane entre 2008 et 2009 que j'avais pas lu. Sinon, connu pour Rachel Rising aussi et sa nouvelle série qui date de 2016, Motor Girl. J'ai pas lu aucun des deux donc. Y a pas un truc avec des pirates aussi, Terry Moore les pirates. Non, c'est JoJo's. Chose, hein. c'est pas ça. One Piece. Non. Non, c'est pas ça. Donc le pitch rapidos, on suit le quotidien de deux jeunes filles qui ont un peu moins d'une trentaine d'années. Vous avez Francine qui est la brune pulpeuse, gentiment naïve, qui a tendance à accumuler malgré elle les conquêtes parce que y a les mecs ne la traitent pas forcément comme elle l'aimerait. Et à côté, ça coloc. Qu'elle connaît depuis l'école élémentaire, il me semble. Kachou, qui est elle la blonde, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus délurée, mais à la fois qui se livre pas forcément. Et donc on suit le quotidien de ces deux jeunes filles, leurs amourettes, leur rapport avec leur famille, les rencontres qu'elles peuvent faire. Donc il y a pas mal de tranches de vie. Et via ces tranches de vie, il faut reconnaître qu'il y a un portrait quand même qui est très très très peu flatteur de l'humanité d'une manière générale. Ouais, c'est pas très optimiste. Notamment des relations sociales qu'on peut avoir, notamment entre les hommes et les femmes, j'ai envie de dire. Il y a cette 2-3 scènes sur cette fameuse banlieue résidentielle américaine qui fait fantasmer tous les auteurs, hein, de Desperate Housewives, je sais pas quoi. Et donc, c'est le principe un peu de vous avez la façade où tout va bien, où ton voisin est super sympa, où tes collègues de boulot sont aidants, et voilà, tout va forcément bien. Et derrière, quand tu crates un peu, tu t'aperçois que ton vieux voisin promène le chien pour pouvoir mater la petite voisine quand elle prend sa douche, que la plupart des bonnes femmes passent des après-midi entières chez leur psy pour se plaindre d'à peu près tout, que l'adultère est le deuxième sport national, et que l'alcoolisme est un gangrène à peu près tout ce beau petit monde, alcoolisme caché. C'est gavé de scènes gratuites comme ça qui n'apportent rien entre guillemets à l'histoire, mais voilà, tu as la voisine qui va picoler son petit whisky dans un coin. Il y a la scène de l'aéroport qui m'a fait délirer. Alors moi j'ai eu les trois premiers volumes, donc à un moment donné tu as les personnages qui attendent quelqu'un, et tu as quatre cases comme ça sur une bonne femme avec ses trois gamins qui parlent avec une copine à elle. Ah oui, et la copine lui dit pourquoi t'es avec ce mec là, il te traite pas bien machin, et l'autre répond oui mais je sais même pas pourquoi j'ai fait trois gamins, et elle va engueuler les trois marmots parce qu'ils sont démoniaques, qu'ils en peuvent plus. Et ça démontre une espèce, tout ça baigne dans une espèce de misère sociale assez hardcore même, je trouvais des fois quoi. C'est vraiment assez sombre. S'il y a vraiment qu'il y a, ça marche pas. Voilà, les relations humaines, sociales, notamment en relations de couple, ne fonctionnent pas du tout. Et surtout pour nous, hein, messieurs, c'est une véritable boucherie. C'est Stalingrad, c'est Verdun, on en prend plein la mouille. Il n'y en a pas un pour tenir la barre. On est des pervers, on est dirigé uniquement par notre organe sexuel érectible. Il y a David encore qui est un peu. Ouais, alors moi j'en suis arrivé, non, hein, en fait, non. Oui, hein, clairement non. Ouais, sans oui, vouloir, non, hein, dépend, voilà, ouais. Sans vouloir balancer. Ça dépend de quelle vision tu as. On est des machos. On est égocentrique, on est des gros salopards, et à côté de ça les filles sont peut-être un petit peu plus subtiles, j'ai envie de dire. Elles sont soit faciles, mais c'est quand même pas très glorieux. Elles sont souvent perdues, elles sont souvent même résignées de vivre dans un monde dirigé par nous et notre ham. Et donc au milieu de tout ça, on a ces deux petites filles qui vivent, qui sont d'une espèce de quête du bonheur qui semble impossible parce qu'elles sont entourées de la lie de l'humanité. Et pour le coup, ça se veut vraiment réaliste. Quand je pense à quelque chose de réaliste, je pense vraiment à l'écriture des personnages. Et là, pour le coup, les deux personnages sont vraiment bien écrits, je trouve. Vous avez donc Francine qui court après un mec, même pas idéal, juste un gars qui va la traiter bien, et elle n'y arrive pas parce que c'est que des connards. Vous avez Kachou qui a un passé vraiment, vraiment lourd, et qui, du coup, au début, voilà, elle dit qu'elle n'est pas intéressée par les mecs, tu t'aperçois que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a vraiment tout un côté psychologique assez simple, mais plutôt bien construit. Par contre, j'ai trouvé que le reste des personnages était souvent beaucoup plus basique. Donc il y a ce fameux David qui leur tourne autour, qui n'est pas forcément exceptionnel, qui aimerait avec Kachou, peut-être avec Francine, mais voilà, qui c'est pas forcément bien creusé. Où on croise un détective à un moment donné qui est la caricature de l'ex-flic alcoolique, hein, qui passe son temps à boire des coups et à faire des petits boulots pas terribles. Il y a une espèce de bonne femme dont j'ai bouffé le nom, qui est un peu l'archétype de la méchante, hein, carriériste. Coup, ce que tu disais sur Kachou, je pense que ça résume bien le comics. C'est un peu plus compliqué parce que tous les personnages qui vont te montrer, enfin j'en suis pas plus longtemps, je suis arrivé au quatrième ou au cinquième, et tous les personnages que tu es en train d'aborder, à chaque fois en fait t'as l'impression que c'est simpliste et que c'est un peu bas du front, et il y a un petit truc qui te ramène qui fait ah merde en fait, ouais il y a ceci ou il y a cela. Bah voilà, là pour le coup, pardon, moi ça m'a, c'est là où j'ai un peu lâché, on en parlait un peu avant l'émission, c'est que moi j'ai trouvé qu'il y a vraiment des tranches de vie qui étaient formidables. Quand Francine se fait plaquer, c'est dramatique, mais vraiment t'as mal pour elle. Lorsqu'après elle recroise son ex qui part de son mariage, t'as tout ce côté-là qui est vraiment glauque, mais pour le coup vraiment vraiment réaliste, vraiment émotionnellement très fort. Et après, ouais, mais il y a pas mal de machins qui m'ont un peu fait décrocher, un peu too much, notamment autour du passé de Kachou. Des fois, tu pars d'une amourette où t'as une rupture et c'est la crise et je vais dans la frigo pour bouffer de la glace, à quelque chose de vachement plus dark, vachement ouais, plus ouais, violent. Et j'ai un peu décroché de temps en temps. Du coup, j'avoue qu'au bout de trois volumes, je savais pas trop où... J'ai pas continué, je pense pas que je continuerai. Après, vous m'avez dit qu'effectivement, ça s'homogénise un petit ouais, peu. Voilà, ouais. Mais voilà, moi j'avais vraiment deux trucs. Encore une fois, tout ce qui se passe autour de ces deux petites sont vraiment bien écrits. Les dialogues sont vraiment, vraiment réalistes pour le coup. Il y a pas très longtemps, je lisais encore un épisode des X-Men où t'as un je crois que c'est Diablo qui dit bon sang. Personne dit bon sang, on n'a jamais dit bon sang, faut arrêter que c'est conneries. Là pour le coup, je trouve que les dialogues, j'ai lu en VF, étaient plutôt bien. Il y a un rythme qui est vraiment bon aussi, je trouve ça c'est vraiment homogène, ça se lit bien. Des fois, le gros problème des comics, c'est que c'est découpé en arc narratif. Donc tu as une histoire avec quasiment un cliché, hein, début, milieu, fin, le méchant arrive, le méchant est très fort, Batman tue le méchant, hop, histoire suivante. Là pour le coup, non, c'est vraiment smooth, ça va vraiment bien. Ouais, moi j'ai un peu décroché sur 2-3 trucs que j'ai trouvé un peu trop, un peu too much, un peu trop décalé. Toi, Romain, qui l'a lu un peu plus long, si tu peux en dire un peu plus. Moi, je suis arrivé au 7e tome et il n'y a pas ce truc d'arc narratif. On le croit quand on commence à lire. Au début, il y a la rupture. Ensuite, vient le passé un peu dark de Kachou, mais au final on s'aperçoit que ça revient, le mec qui la largue, il gravite autour d'eux jusqu'à la fin, et voilà, c'est vraiment ça qui ressort, c'est plus compliqué, hein. Ça, les personnages vraiment, ils ont des interactions assez difficiles, ça reste les mêmes globalement du premier jusqu'au dernier. Il y a une galerie de personnages qui reste assez qui est assez restreinte, mais on a le temps vraiment d'approfondir, et voilà, au début le premier tome est assez basique dans la relation, c'est le mec, il veut avoir des relations sexuelles avec Francine, il fait tout pour ça et puis ça marche pas, donc il a l'air de voilà, et au final, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il ne va pas vraiment partir, il ne va pas sortir de sa vie. Et moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Après, il y a l'arc plus dark, où justement, on passe de tranche de vie à quelque chose de limite thriller. Ouais. Et il y a une période, il y a un demi-tome qui est assez difficile pour faire la transition, qui est assez difficile. Mais une fois qu'on a accepté ça dans l'histoire, ça passe très bien et ça se mêle très bien au reste, en fait. On voit que les nouveaux personnages qui interviennent dans cet arc, bah pareil, ils ont plusieurs motivations. Mm. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que tous les personnages sont sexués. Oui. En dehors de Kachou et un peu de Francine et de David, qui vont devenir les trois personnages principaux, tous les autres sont extrêmement sexués. Même le flic qui les aide, le gentil flic avec la moustache qui les aide, d'un coup, il y a une scène un peu gratuite où il est au lit avec sa copine. Et on voit que derrière chaque personnage, il y a des intentions sexuelles. Ça, c'est assez bien fait. Le mec présente bien, et puis si je me rappelais bien, cette scène-là, il a une certaine forme de perversion quand même, en plus. Quoi. Il est pas, alors que si représentant de la loi, sobre, qui a toujours traité les deux filles tout à fait correctement, même s'il y a la scène de l'arrestation qui m'a un peu fait sortir aussi, parce qu'ils ont envoyé tous les flics de la ville pour arrêter une suspicion. Bon, c'est un peu direct. Ouais, c'est un peu too much. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment où j'ai trouvé bien cette série-là, c'est qu'ils te montrent un personnage, ils le détruisent trois pages après en disant que, bah non, le mec, en fait. Enfin, le mec ou le personnage, il est plus profond que ça, mais il a aussi derrière une perversion. C'est presque du Sin City parfois même, sans aller jusque là. Après, ça m'a juste, alors, en tant que mec, hein, ça aurait été bien qu'on ait un personnage quand même un peu moins. Moi, je trouvais David assez positif au final, même s'il y a un. Oui, c'est lui qui sauve un poil la baraque, même si il est pas blanc. Il est pussy whipped. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. C'est comment dire, coureur de jupons sans. Non, c'est sans pas espoir. Ça. C'est pas ça. C'est en fait c'est l'archétype du gars qui essaie d'être sympa et qui essaie de pas trop forcer avec la fille qui lui plaît. Mais étant donné que elle lui renvoie toujours des signes qui sont toujours plus ou moins ambigus. Une seconde elle va dire non, la seconde d'après elle va dire oui peut-être, et du coup il sait plus trop ce qu'il doit faire, il sait plus trop comment. Et lui-même il est pas d'un naturel à pousser, en fait. Du coup il y a beaucoup de moments de l'histoire où il est juste là parce qu'il a visiblement pas grand-chose d'autre à faire, très franchement. En fait, l'histoire tourne essentiellement autour de la vie des deux filles, et lui, il est un peu au milieu, et il réagit à ce qui se passe dans la vie des deux filles. Mais il y a beaucoup d'éléments, en fait, où il y a beaucoup de moments où tu te rends compte qu'en fait, tu ne sais pas grand-chose de lui, parce que c'est essentiellement centré sur les autres, en fait. Lui, il est là, vraiment comme le faire valoir, finalement. Et c'est bien justifié, parce que bon, c'est à ça qu'il sert dans l'histoire, comme pas mal d'autres personnages. Et j'ai trouvé ça sympathique. C'est abordé après. C'est intégré à l'histoire, ça. Ouais. C'est côté qu'il est secret et qu'il parle pas de lui. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, avoir pris le temps de prendre le temps de cacher ça, de pas le dire, en fait, ça établit bien son personnage, sa dynamique par rapport aux autres. C'est le perso qui apparaît dans un épisode de série télé, c'est le mec qui est toujours là, à chaque épisode, mais au bout d'un moment, tu finis par réaliser que tu sais pas trop ce qu'il fait quand les autres personnages sont pas là, en fait. Tu sais pas trop quelle est sa vie. Et tu découvres au fur et à mesure que c'est un être humain, c'est pas juste un mec qui est là pour te faire des compliments et t'aider quand on a besoin, quoi. Exactement. Bon, comme t'as la parole, est-ce que tu veux parler vite fait du dessin? Ouais, alors je l'ai pas trouvé Enfin, Mathieu disait qu'il trouvait ça dur dans le propos, et le truc c'est que j'ai pas trouvé ça dur. Comment expliquer? En fait, le truc c'est que le dessin a ce côté dessin de cartoon presse en bas des journaux. C'est comic strip. Ouais, comment on appelle ça encore? En noir et blanc. Et au départ, c'est ce qu'il voulait faire d'ailleurs, l'auteur. Et au final, il s'est dit finalement, j'ai pas envie. C'est pas un format qui m'intéresse parce que c'était format avec une blague à chaque fois. Il fallait trouver une chute ou un truc un peu loufoque à leur faire faire. Mais il a réussi du coup à faire un vrai gros bouquin, en gardant un peu cet effet-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments, tu parlais de la scène de l'arrestation où y a pas juste deux flics, il y en a une espèce de quinzaine, et c'est limite ils ont pas un bazooka sur eux, tu vois. Oh, il y a une espèce de John McClane au milieu. Ouais, voilà. Et le truc, c'est que c'est exactement ça, c'est complètement loufoque en fait. Et justement, j'aime bien ça parce que ça adoucit un peu certaines situations. Et le niveau du graphisme, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il aime bien faire des petites caricatures de temps en temps, mais il a un trait extrêmement doux. Et je suis même assez impressionné qu'il ait réussi à créer un truc qui a l'air aussi vrai, alors que lui-même n'est pas une femme. C'est-à-dire que c'est essentiellement vu à travers un regard féminin, et ça m'est revenu plusieurs fois en lisant la BD. Je me suis dit, est-ce que t'as ta femme à côté pour te filer des trucs? Parce que y a des trucs qui ont l'air extrêmement vrais. Et je suis franchement impressionné par ça. Et c'est autant dans le scénario, que vu que c'est lui qui fait le dessin et le scénario, que dans la manière dont il pose sa caméra, le comportement des gens, il y a des poses, des expressions, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi, j'ai trouvé vraiment très très bon aussi, hein, sur les émotions parfois. Ouais, les visages sont t'as certaines cases relativement faciles où tu lis, et d'un coup tu t'arrêtes sur une case et le visage du personnage a quasiment changé, il est vachement plus profond, et même sans ligne de dialogue, tu vois la tristesse, la joie, l'interrogation, le moment de solitude, ou un moment comme ça, il arrive pourtant il a un style assez facile, quoi. Ouais. C'est assez rond, c'est assez cartoon, et d'un coup, paf, tu prends une espèce de claque à un moment donné où tu dis ah oui, et là ton personnage, tu vois vraiment derrière, tu vois vraiment ce qui peut se passer derrière. Il est assez fort là-dessus, quoi. Et son dessin change, oui. au fil des albums. On voit beaucoup, je crois que c'est au début du tome 4, où il intègre de plus en plus leur dynamique de rêve. Ouais, j'ai vu ça aussi. On voit dans le premier tome que Kachou a des problèmes avec son réveil, et que on sait que dans ses rêves, ça se passe pas bien la nuit. Elle parle d'insomnie, etc. Et à partir du tome 4, on intègre les rêves dedans, et il y a des règles. Les rêves sont très liés à des univers de pop culture. Il y a un rêve sur Xena la guerrière, où Francine devient Xena et Kachou devient son faire-valoir. Et il y en a un autre où ça s'apparente à un univers assez DC Marvel, où on voit des super-héros où il y a de la couleur dedans. Ouais, c'est dessiné par Jim Lee d'ailleurs. Je suis tombé sur un tome, je sais pas très bien lequel c'était, je crois que c'est celui qui commençait avec les super-héroïnes justement. C'est le 4, je crois. Et je suis tombé dessus par hasard, j'avais pas totalement capté que c'était pas lui le premier. Du coup, j'en ai lu une partie et du coup, j'ai pu comparer. Et il y a une grosse évolution dans la narration aussi. Et autant le premier tome, ça fait très comic strip mais très très long, autant au fur et à mesure que ça avance, ça devient de plus en plus comme une espèce de série drama où on suit vraiment beaucoup plus la vie des gens de manière un peu plus réaliste. Et il y a un élément qui, comment dire, faut pas lire cette BD en s'attendant à un super long scénario ultra compliqué avec des rebondissements de fou et tout ça. Je pense que le principal attrait du truc, c'est finalement les personnages, et c'est franchement ce qui m'a impressionné le plus, parce que c'est extrêmement rare de voir ou de tomber sur une œuvre de fiction où tu vas, au fur et à mesure des pages ou des secondes, si c'est une émission télé, tu vas adorer un personnage et la seconde d'après tu vas le détester. Et il y a beaucoup d'éléments qui justement font un peu penser à juste la vie normale en fait. C'est dans la même journée, tu vas manger de la glace parce que t'es pas content, et à la fin de la journée, tu vas arriver à devoir expliquer à ton ami que t'as une amie qui a le sida. Et c'est juste une journée normale en fait. Et j'ai trouvé ça très sympathique justement. L'autre élément, c'est que, étant donné que t'as les personnages qui changent beaucoup, ça les rend extrêmement complexes, extrêmement humains, parce que personne n'est parfait, personne n'a un objectif dans la vie et personne n'a un comportement tout le temps. Du coup, Kachou, c'est un excellent exemple, parce qu'il y a des moments où elle m'insupportait totalement, le genre grosse biatch insupportable, et d'autres moments j'avais beaucoup de compassion pour elle, et j'ai trouvé ça sympa parce que du coup ça fait, comme j'ai dit, ça fait un être humain, quoi. Et c'est franchement l'intérêt principal, je trouve. Mais moi, j'ai lu pas mal, avant de me dire on va choisir ce tome, j'ai regardé pas mal de critiques, parce que j'en avais beaucoup entendu parler et je comprenais pas pourquoi, en me disant mais pourquoi il y a autant de monde qui en parle. Et en fait, il y a une caractéristique qui revient souvent, c'est qu'on appelle ça un soap comics, et yeah. Je trouve que ça avait vraiment beaucoup pensé à du soap opéra, avec ces personnages qui sont très importants, ce que tu disais avec c'est pas très construit, mais il y a les personnages qui vont revenir et qui vont Mais t'es vraiment là pour les personnages en fait, c'est juste une question de lui je l'aime bien ou elle je l'aime bien, et tu reviens pour voir ce qu'il fait en fait. C'est typiquement ça, c'est pas une intrigue du genre va-t-il survivre ou quoi que ce soit, c'est juste j'aimerais bien savoir ce qu'il fait cette semaine. Et comme dans toutes les fictions, c'est souvent des suites de mauvais choix, mais on les comprend, on aurait pu les faire, ces mauvais choix. Contrairement à certaines fictions comme Alien, on va sur une exoplanète, on défonce des champignons à coups de pied, non. Là, c'est un accident. Les choix enfin, les choix sont probables, c'est des vrais choix et on aurait vraiment pu les faire. Et toutes les scènes manquées, toutes les scènes où ils partent en courant, en claquant la porte au nez, on les comprend. Oui, oui, c'est dommage. Ils perdent. Même tu l'as peut-être vécu. Enfin, moi, effectivement, il y a une paire de scènes où tu dis, ouais, caméra chez moi ou quoi. J'ai fait la même. C'est qui t'a raconté ça là. C'est ça. C'était un secret. T'as pas beaucoup parlé, Bertrand, tu donnais ton avis vite fait sur le film. Je suis un peu partagé sur cette série parce que j'ai horreur, une sainte horreur de tout ce qui est tranche de vie, c'est vraiment pas ce qui me passionne. Mais bizarrement, j'ai lu les deux premiers tomes, j'ai pas du tout réussi à accrocher, mais j'ai quand même envie de savoir ce qui leur arrive. Donc je sais pas si ça veut dire quand même que j'ai bien aimé au fond de moi, ou si c'est juste que l'œuvre en elle-même a un effet un peu pervers sur. que même si tu vois qu'il leur arrive des choses graves, pas faciles. Et t'es triste pour eux, mais t'as quand même envie de savoir ce qui va se passer, donc c'est un peu. C'est vrai. Ça me perturbe un peu. Ok. Et sur quoi je voulais rebondir, je ne sais plus. Star Wars. Non, je ne voulais pas rebondir sur Star Wars. C'est pas vrai. Il y a un lien évident. Mais c'est vrai, je comprends le côté un peu pervers de vouloir la suite. D'ailleurs, des fois, il y a pas mal de plans où on voit à travers des fenêtres. Et on est un peu aussi à la place du voisin voyeur qui va promener son chien. Sur le découpage et sur comment il gère son histoire, il prend vraiment. Il y a des moments, je sais pas si vous l'avez vu que vous avez pas. Enfin, il y a des moments où il part d'un coup sur l'écrit vraiment, où t'as genre trois pages de mec où c'est juste de l'écrit. Ouais. T'as du poème, t'as de l'écriture, t'as des chansons. Ouais, en termes de narration, il alterne pas mal de choses. Même en termes de découpage, tu as effectivement quelque chose où t'es un peu voyeur, effectivement, t'as l'impression que t'es devant leur maison, tu rates ce qui se passe dedans. Et je me rappelle d'une scène, je crois, qui est un peu plus concentrée sur le détective, où là, le découpage est complètement barré. C'est vachement plus sombre, mais là pour le coup c'est vraiment plus thriller, voire même dans d'autres bullets, parce que c'est un barglock, un machin comme ça. Il adapte d'une page son style, et effectivement là pour le coup ça passe plutôt bien graphiquement, c'est vraiment vraiment homogène, alors que tu vas pouvoir partir dans un truc onirique, un truc ultra réaliste. Moi je m'étais fait piéger bêtement par, c'était le début je crois, lorsque Francine se fait plaquer, t'as Kachou qui se casse, qui est gros sac militaire et compagnie, et son voisin l'aide, et en fait son voisin en l'aidant il appuie sur un lance-missile qui tire un missile et qui détruit son salon, et là je fais putain, c'est quoi ce merdier? Bon, c'était un rêve en fait, quoi. Et là, mais pour le coup, t'es en train de lire, tu fais, oh putain, ça y est, il a craqué. Ah non, merde, tant pis, je me suis fait voir. J'ai l'impression qu'il les a plein de trucs, il a envie de faire des trucs, et du coup, il se lâche et fait des. Après, autoproduit, donc il n'y avait personne pour l'emmerder, c'était bien. C'est la question que je me pose, j'aurais bien aimé savoir quel a été son processus de création sur ce truc, étant donné qu'il n'a pas d'éditeur officiel. Mais c'est quand tu crées un truc, forcément, tu le montres à d'autres personnes, parce que voilà, t'as besoin de retour dessus. Et il a dû avoir des retours d'autres gens dans le métier pour avoir des retours dessus. Du coup, j'aimerais bien voir comment il l'a fait. Mais il a fait tout un bouquin qui explique comment il dessine et comment il a créé le truc. Oh, nice. Et voilà. Ouais, le côté délire avec les rêves, moi, ça m'a fait penser aussi aux comics où les mecs, ils sont tout seuls au volant, comme The Goon, qui est un super comics où Eric Powell, il a testé des tas de trucs, il a fait de l'aquarelle, il est parti dans tous les sens, autant au niveau de la narration que du dessin. Bah c'est quand t'as un créatif, Mac Mignola qui a l'air de tester plein de trucs aussi, graphiquement ou en narration, ça dépend, c'est plutôt dans les histoires ou dans les différents trucs temporels qui tentent pas mal d'ellipses, ou c'est plus en termes de narration peut-être, je pense que c'est assez. Ouais, c'est plus la narration que le dessin. Le dessin, il a fini par trouver son truc en fait, c'était une évolution organique, je crois pas qu'il y ait eu de phase où il faisait des trucs particulièrement étranges. Comparé à ce qu'il fait d'habitude, j'ai envie de dire. Mais ouais, niveau narration, ça lui arrive souvent de changer. Hellboy in Hell avait une narration très différente avec des éléments de. Comment on appelle ça encore? Des éléments de poèmes ou de pièces de théâtre, des trucs comme ça, et des plans, beaucoup plus de plans sur des objets qui ne sont techniquement pas dans la pièce, du genre des statues ou des trucs comme ça. Il faisait déjà un peu ça, mais là, il l'utilisait de manière un peu différente. Ouais, si tu te perds vraiment dans Hellboy in Hell, moi, des fois, je bloquais sur une page avec une statue en disant putain, j'ai vu quelque part, c'est un signe, il veut me dire quelque chose. Au bout d'un moment, il a créé son propre langage en fait. Mais ça, c'est typique de. Enfin, quand t'as bossé sur un même univers pendant des années, forcément, tu développes ton propre langage à toi. Du coup, ça nous parlait. Qu'on parlait déjà ? De Stranger in Paradise, donc qui est un comics qui a vraiment touché beaucoup de monde, notamment, je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ce blog qui s'appelle Lesbian Geek, donc il y a un blog qui parle particulièrement des femmes dans l'univers du comics, mais un peu plus avec tout le mouvement LGBT autour du comics. Et la femme qui tient ce blog s'appelle Kachou à cause du personnage, parce qu'elle a le personnage lui a tellement parlé qu'elle s'est dit putain merde, je vais prendre ça comme pseudo. Donc voilà. Je pense qu'on en a fait le tour, non? Il y a quelqu'un qui a un petit mot encore à dire sur... Moi, je veux bien rajouter un truc sur cette fameuse romance LGBT. Je la trouve pas spécialement très originale hein, par rapport à ce qui a déjà été fait. Enfin, j'ai pas... T'avais parlé ça comme... C'est 96, hein? Oui. Mais tu nous avais parlé ça comme un peu comme une romance un peu pas pionnière, mais avec beaucoup de gens se Moi, c'est ce qu'on reconnaissait, c'est ce qu'on avait dit justement, qu'elle était connue pour ce truc là. C'est l'équivalent de Chasing Amy en fait. Mais le truc, c'est que comme il a dit, il faut remettre ça dans son contexte, ça date de 1990 quelque chose. Et c'est pareil, quand elle parle de son ami qui a le sida. Il suffit de voir le cadrage du truc, elle dit pas juste elle a le sida, elle dit à l'époque le sida c'était vraiment un truc extrêmement grave, extrêmement bizarre, les gens savaient pas trop ce que c'était, comment tu le chopes, comment tu fais pour vivre une fois que tu l'as. Ouais, aussi, et du coup c'est pour ça que c'était extrêmement important. En soi, finalement, une fois qu'elle a mentionné qu'elle a le sida, ça sert à rien dans l'histoire en soi, ça pourrait être autre chose, mais le fait que ce soit là, c'était important. Ça pour le coup c'est bête, mais enfin c'est bête, moi je vais avoir 18 ans en 96, cette scène où on apprend que telle personne a le sida, moi ça m'a fait oh. C'était ouais. Vraiment, je sais pas, c'est exactement ça, une réminiscence du temps où, hélas, maintenant tu vis avec, c'est toujours aussi grave, mais tu vis avec. Ouais. À l'époque, c'était un choc c'est, total. C'est plus médiatisé aujourd'hui. Oui, on voit. Et pour les relations gays, c'est pareil, c'était beaucoup plus difficile déjà d'en avoir une. Et lorsque t'en avais une, c'est pas nécessairement une question de censure, c'était une question de représentation correcte, on va dire. Essayer de pas trop mettre, de pas trop faire le bourrin en fait, parce que tu connais ton lectorat, tu connais l'époque dans laquelle t'es, et t'évites de trop mettre n'importe quoi et un peu trop. Et du coup, il s'est réfréné dessus et puis il laisse venir au fur et à mesure. Quoi. Il y a déjà, il utilise justement pas mal cet élément qui est que, tu parlais des personnages sexués. Techniquement, on voit pas des masses de scènes de vrai sexe dedans, en fait. On sait qu'ils le font, mais il n'y a pas de scène graphique, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, et là, c'est pareil. C'est, en fait, l'aspect pornographique, on va dire, de la sexualité des personnages, on s'en fout. Du coup, ils te montrent leur comportement en tant qu'être humain, leur relation au jour le jour, etc. Mais il n'a pas vraiment l'intention de te montrer des trucs particulièrement graphiques ou extrêmement gratuits, finalement. C'est pas une série HBO. Ouais, voilà. Et du coup, dans le traitement de la relation gay, c'est pareil. Il a pas vraiment nécessairement besoin de s'attarder trop dessus, parce que le simple fait d'en parler déjà, ça a un poids vu l'époque à laquelle ça a été fait. Et puis c'est surtout mélangé au reste, quoi. Il y a d'autres éléments, et c'est un élément qui est cool finalement, c'est que c'est pas juste un personnage qui est gay, c'est un personnage. Elle a d'autres trucs dans sa vie. Ouais. Puis le graphique, c'est pas une fin en soi. On voit vraiment que. C'est l'intention qui compte. Ouais. On voit la démarche des personnages et c'est vraiment la démarche qui est mise en avant au sein de la relation, de tout ce qu'ils entreprennent, Et ouais, le graphique, pour moi, ça n'a pas un vrai impact. Hormis quelques scènes, il n'y a pas d'image très, très forte avec de grosses pages centrales oui, ou avec pas des cases please. Sorties. Voilà, ça reste plutôt comic strip et c'est l'intention. Ouais, pour le coup, ça fait un ton super réaliste en fait, oui. Parce que c'est un et peu comme ça dans la vraie vie. Quoi, tu vois pas. J'ai perdu un peu mon idée. On parlait d'Hellboy, non? Après, oui, effectivement, faut remettre dans le contexte, mais quand on regarde dans les œuvres qui ont suivi, par exemple, tu prends Nana de Aizawa qui est sorti dans les années 2000, ouais. On a un peu le même style de relation avec deux copines qui se retrouvent à habiter ensemble, celle qui est un peu naïve, celle qui a un passé douloureux. Il y a beaucoup de. C'est souvent, je veux dire, un schéma qu'on va retrouver en fait. Plus tard. Ouais, mais je le vois dans Nana, mais je le vois pas. Tout est dans Infinite Loop où il y a un peu le nom, même pas en fait. Tu prends Life is Strange, c'est pareil, c'est la fille un peu rebelle avec un passé lourd, avec la copine un peu naïve. Oui, mais dans les deux trucs que tu dis, il n'y a pas de relation gay dans Life is Strange et non pas dans Nana. Fini Life is Strange d'abord. Ah, d'accord. Nana, c'est du sous-texte, hein, c'est clairement. Oui. C'est clairement partie du sous-texte, et même plus vraiment du sous-texte, Nana, c'est quand même très. Mais je trouvais, après Nana, j'en ai vu 2-3 bouts d'animés comme ça. Mais menteur, t'as tout regardé. Dis-le. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu. Quand ça passait sur Virgin 17. Virgin 17, oui. Voilà, donc je regardais à ce moment-là. L'anime est sympa, mais je trouve que c'est mieux écrit quand même dans Stranger. Oui, non, mais bien sûr, c'est pas le même niveau, mais c'est un schéma après qui va se répéter, donc ça a sûrement dû être. Ouais. Une sorte de modèle pour plus tard parce que c'est beaucoup je l'ai quand même vu beaucoup de fois donc c'est peut-être pour ça que c'est okay. Pas forcément été sensible mais il faut le remettre aussi dans le contexte de l'année et c'est les précurseurs et il faut plus se voir comme ça quoi. Est-ce qu'on va faire un dernier tour de table? Est-ce que vous allez continuer à lire Moi j'étais parti pour non Et finalement. Puis il y en a qui l'ont bien vendu quand même. Donc j'ai une pile à lire qui est hallucinante. Je me mettrai dans un coin. Le jour où, je sais pas, c'est la fin du monde un peu avant, où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. C'est Bertrand qui disait aussi. T'as envie qu'il leur arrive des choses bien, ces deux pauvres filles, elles sont mignonnes en fait, quoi. Du coup, ouais, t'as juste envie de lire en disant putain, mais bon, enfin, être heureuse, quoi. Rien qu'en 4 pages, déjà, c'est l'enfer. Du coup, ouais, je pense que je serais de m'y remettre à l'occasion. Romain, toi qui es allé vraiment. Moi, je pense que je finirais, je suis allé assez loin. T'es trop loin, toi. Je suis trop loin pour faire demi-tour, voilà. Ok, ça. Johnny non, moi, je continue. Et Bertrand? Oui, j'ai continué, je pense. Ok, bah moi aussi. C'est un titre qu'on vous conseille. Et si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez pas encore, savez où l'achat. Parce qu'il y a un truc qui est assez. Je crois qu'il y a une relation éditoriale avec la VF qui est très compliquée. Parce qu'il y en a un bout qui est sorti chez un éditeur, c'est ce que tu disais au début. Oh, le Téméraire, mais ils sont morts. Maintenant qu'ils sont morts. Ils sont repassés chez 2-3. Enfin, c'est un peu switché sur plusieurs éditeurs. Mais maintenant, ils ressortent en intégrale chez Glénat. Donc, avec une édition qui a été pensé avec Terry Moore. Donc Glénat est allé voir Terry Moore en lui disant comment tu veux qu'on publie ton truc, et ils ont discuté et l'objet est approuvé par le mec, donc c'est quand même c'est cool de la part de oui. Peut-être, oui, il y a peut-être. Tu sais que le geste que tu viens de faire n'est pas du tout radiophonique. Ah, donc, j'ai fait ça avec les doigts pour dire argent. Non, mais j'ai pas l'impression que ce mec-là soit vraiment attiré par ce genre de choses. Donc, ouais, il a dû. Puis ça fait partie des scandales, entre guillemets, de la BD française de pas avoir Stranger Things, même si. Stranger Paradise. J'ai fait le même ordre à chaque fois. Ouais. Lapsus Netflix. Du coup, même si j'ai lu là pour l'émission, ça fait très longtemps que j'entends parler, notamment à travers la Eisner Award. Donc, c'est enfin bien qu'on ait une vraie édition de ce machin-là. Donc, en intégrale pour 40 euros je crois, voilà, chez tous vos bons libraires, et peut-être pas longtemps chez Jojo Comics. Est-ce que on a encore 5 minutes, est-ce que tu veux peut-être en reparler une fois à la radio pour le public de la radio que notre ami Romain est le futur gérant de Jojo Comics. Voilà, je monte un projet avec ma femme pour créer un lieu de pop culture sur Montpellier, un lieu qui vendra du café, parce que c'est toujours bien de prendre son temps, et des BD, sûrement beaucoup de comics et de. L'idée c'est de faire plus un lieu de rencontre, c'est voilà, ça, ouais. C'est de créer un lieu de rencontre autour de l'univers de la pop culture. Ne pas choisir rapidement, c'est justement ça, c'est pouvoir discuter, savoir que Stranger in Paradise c'est très sympa, que ça a eu beaucoup d'influence à son époque, et voilà, découvrir d'autres pépites qui ont. C'est le contraire d'Amazon en fait, c'est ça que tu dis. Voilà, c'est ça. C'est le contraire d'Amazon. Ça a l'air bien. Donc, vous avez le crowdfunding qu'on mettra en lien. On l'a partagé plusieurs fois sur Facebook. Donc là, en direct, je vais pas pouvoir vous donner le lien. Mais allez voir sur le Facebook, vous retrouverez tous les trucs. Et pour les gens qui nous écoutent en podcast, vous retrouverez le lien dans la description. Il nous reste encore quelques petites minutes. On va faire un petit. Si vous avez une attente ou un coup de cœur à partager, on va faire un petit tour de table. Moi, j'ai envie de vous parler d'un podcast, mais je vais pas commencer par moi. Johnny, t'as. J'ai fini American Gods. Et alors ? Ah non, c'était... spoiler, j'ai commencé hier, tais-toi. C'était fortement sympathique. Je sais pas trop si ça va supporter la durée, vu la lenteur à laquelle ça se développe, mais chaque épisode est cool. Enfin, tu suis chaque personnage différemment, intéressant, c'est très sympa. Et l'autre truc, c'est. Bon, c'est un hasard total, mais YouTube m'a filé la playlist Childish Gambino aujourd'hui. Et c'était génial, et du coup je recommande vachement aux gens d'écouter Childish Gambino. On l'a passé plusieurs fois dans l'émission. C'est de la très bonne. Donald Glover est un dieu, un super acteur et en plus un super artiste. Yep. On repassera du Childish Gambino parce que c'est vraiment. J'aime son nouvel album, est vraiment cool. Je le trouve vraiment génial. Donc voilà. Très très bon choix. Romain, c'était un petit coup de cœur ou un truc Pareil, en ce moment, moi je suis sur Neil Gaiman. American God. American God à fond. Voilà, j'avais lu le bouquin, j'ai adoré. Et je trouve que la série est pas décevante et arrive à développer pas mal de surprises, même pour les gens qui ont déjà lu le bouquin. Donc okay. C'est cool. C'était cool. Bertrand. Ça a un peu dénoté, mais j'ai vu par exemple qu'il y aurait la série Black Lightning en septembre. Ah oui, non, mais. On avait on parle pas des stéréotypes de Louis. Mais c'est. T'as bien. Pas lu la liste des machins à éviter. mais laisse aux gens, les gens néophytes comme moi qui ont ce qui. Enfin, à leur portée, hein, qui ont peur de se lancer. Oui, mais ils écoutent l'émission et toutes les semaines ils ont un titre où ils pourront. Oui, bah justement, mais. pour les gens, c'est moi, c'est comme ça que j'ai aimé. C'est que j'ai connu ces séries-là qui m'ont fait approfondir la chose. Ouais, je vais essayer d'être plus. En plus, chez Legend of Tomorrow, c'est vachement mieux. Non, mais non, Legend of Tomorrow, c'est. Ne lancez pas sur Legend of Tomorrow. Ça marche à chaque fois. Allez, Mathieu, t'as le micro, vas-y. Bon, en série télé. Non, tout ce que tu veux. Je peux parler série télé ou. Oui, tu peux parler série télé. Lundi, c'est la reprise de Preacher, saison 2. Ah putain, faut que je finisse. Saison 1 était vachement bien. Avec une explosion de caca. Et du coup, la saison 2 a l'air bien cool. La saison 2 va raccrocher aux comics. En fait, la saison était peut-être un peu longue. Il y a un personnage qui est pas terrible au milieu, mais la saison 2, c'est parti road trip avec la voix de Dieu, le vampire alcoolique et la gonzesse. Okay. Ça va être bien. Ah, tiens, je viens de penser à un autre truc. Vas-y. Il y avait la série Certain Reasons Why qui était sortie et qui m'avait franchement beaucoup énervé. Et je suis tombé par hasard sur un film qui s'appelle Hours. Qui a Nicole Kidman dedans, Julianne Moore, enfin Meryl Streep, enfin le casting est un truc de dingue. Et en fait, ça parle de maladie mentale et de suicide. Et si les gens s'intéressent un peu au suicide en se disant tiens, j'ai bien envie de voir ce que ça donne, regardez pas Certain Reasons Why parce que c'est de la démagogie pure. Regardez Hours parce que c'était magnifique et c'était super bien fait. Et il y a au moins 2-3 scènes où, une fois qu'elles se sont finies, j'ai été franchement impressionné par le talent du réalisateur et des actrices d'ailleurs, parce que c'était franchement impressionnant. Mais je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai vraiment aimé 13 Reasons Why, contrairement à toi apparemment. Mais moi je vais pas vous parler de ça, je vais vous parler d'un podcast qui parle de cinéma qui s'appelle 2 heures de perdu. Et toutes les semaines vous avez En fait, ils critiquent, enfin pas ils critiquent un film, mais ils parlent d'un film en particulier. Et en fait, ils suivent le fil du scénario en expliquant un peu ce qui s'y passe. Et comme souvent, ils parlent de films très très moyens, genre Assassin's Creed par exemple. Et c'est vraiment le film où vous allez passer 2 heures à rigoler parce qu'ils disent n'importe quoi et c'est van sur van sur van sur van sur van et je pense que le mieux c'est un jour enfin écouter un extrait quelque part et vous verrez c'est vraiment génial. Et il y a un truc qui est vraiment cool qu'ils font à la fin. En fait, ils vont sur Amazon et sur Allociné et ils prennent les pires et les meilleures critiques des gens sur les films et vous avez des gens qui vraiment qui vont très très loin dans le critique game et qui enfin en tout cas et regardez et enfin non plutôt écouter 2 heures de perdu parce que c'est vraiment très très cool. En plus a priori ils mentent pas sur la marchandise hein, techniquement. Oui voilà. Assassin's Creed, il vaut mieux écouter un podcast que de aller le voir. Ah, moi j'ai pas vu le. En effet. Il y a plein de films comme ça que j'avais pas vu et du coup j'ai écouté 2 heures de perdu et vraiment oui, c'est génial. Et en plus ils ont des invités assez cool, genre ils ont eu Boulet. C'est quand même sympa. Et qui sait qu'ils ont eu d'autres. Bon, je vois en tout cas des invités cool. Donc voilà, on va finir sur ça. On va finir sur un morceau qu'a choisi Juni. C'était quoi déjà? C'était une musique de The Internet, mais je l'ai trouvé par hasard en fait. Je me souviens plus du nom. Ok, mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est... The Internet. Allez chercher sur YouTube, regardez, enfin écoutez toutes les musiques. Elles sont spéciales. J'aime beaucoup. Ok. Moi je vous dis, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, @comediediscovery, et vous nous retrouvez tous les lundis à 18h sur Radio Campus Montpellier. Sinon en podcast sur le site comediediscovery.fr. N'oubliez pas que si vous nous écoutez en podcast, laissez-nous 5 étoiles ou un petit commentaire sur iTunes, ça nous ferait plaisir. Allez, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Thank you. y'all ain't never been to a party before?